C'était une nuit d'octobre en 2008. Prise au dépourvu, je frappe un mur de briques, sans même avoir le temps de ralentir. J'étais découragé et j'ai fini par croire que l'amour est fait pour les plus beaux et les plus forts. Jusqu'au jour où je t'ai vu sourire, j'ai eu le coup de foudre pour la première fois. Dis-moi, ressens-tu la même joie? Comme un éternel adolescent, je prends sa main et je lui demande, veux-tu faire un tour avec moi sur un grand bateau? Veux-tu faire un tour sous les étoiles dans mon Winnebago? Tu n'es pas obligé, jamais je te forcerai. Prendrais-tu une chance avec moi? Pendant des nuits complètes, je ne pouvais plus dormir. J'essayais d'oublier qu'elle était dans ma ligne de mire et de mon cœur qui bat en retraite. Ces sentiments sont-ils éphémères? Je ne sais plus si j'ai les pieds sur terre. Le jour se lève après une nuit parfaite. J'ai un nœud dans l'estomac, mais je suis prêt à faire le premier pas. Comme un éternel adolescent, je prends sa main et je lui demande, veux-tu faire un tour avec moi sur un grand bateau? Veux-tu faire un tour sous les étoiles dans mon Winnebago? Tu n'es pas obligé, jamais je ne te forcerai. Prendrais-tu une chance avec moi? Veux-tu faire un tour avec moi sur un grand bateau? Veux-tu faire un tour sous les étoiles en mon Winnebago? Tu n'es pas obligé, jamais je te forcerai. Prendrais-tu une chance avec moi? Veux-tu faire un tour sous les étoiles dans mon Winnebago? Tu n'es pas obligé, jamais je te forcerai. Prendrais-tu une chance avec moi? Veux-tu faire un tour avec moi sur un grand bateau? Veux-tu faire un tour sous les étoiles dans mon Winnebago? Tu n'es pas obligé, jamais je te forcerai. Prendrais-tu une chance avec moi?